Bonjour à toutes et toutes qui nous écoutez sur Radioactive, bienvenue dans une nouvelle édition du MAG. Alors aujourd'hui, justement dans ce MAG, on a décidé de partager avec vous un super tuyau, un tuyau qui nous est proposé par le gang. Alors vous allez vous dire, mais de quoi parle-t-on aujourd'hui? On va vous expliquer tout ça dans l'ordre. Notre invitée, c'est Elsa Larson. Alors Elsa, c'est la MacGyver de la qualité de vie pour le piment de la vie. Alors là encore, mais de quoi parlons-nous? Éclairage immédiatement, bonjour Elsa. Bonjour Marlène. Alors le piment de la vie, qu'est-ce que c'est pour commencer? Alors pour moi le piment de la vie c'est les hauts, les bas, les envies, les défis, tout ce qu'on rencontre un peu dans notre vie. Et donc l'idée c'est d'accompagner les personnes quand elles ont une problématique et je fais du coaching et du conseil en qualité de vie et au travail aussi. Voilà, le piment de vie c'est à la fois un concept mais c'est aussi une entreprise. C'est ça. Très bien. Et alors le gang, quel rapport et qu'est-ce que c'est? Alors le gang en fait c'est une association de chefs d'entreprise à laquelle j'appartiens qui est sur Amboise. Et en fait à la base c'est une association, c'est vraiment convivial, on se retrouve une fois par mois pour déjeuner ensemble. Plus ponctuellement il y a des événements aussi qu'on fait pour lever des fonds. Mmh. Ils ont fait notamment la Duck Race en 2019. Il y a eu un lancer de 20 000 canards depuis le château de Chenonceau en 2019 pour faire une grosse levée de fonds. Il y avait une tombola et puis le canard qui arrivait en premier, bah, il gagnait une voiture. Enfin, la personne à qui appartenait le canard, voilà. Et donc ensuite, il y a une redistribution des dons. Au total, ça a été plus de 65 000 euros qui ont été redistribués à des associations locales, dont Magie à l'hôpital, la maison des parents de Clocheville et le village d'enfants sur Amboise. Voilà. Super action solidaire. Et justement, vous m'expliquiez qu'il restait un petit peu de sous sur le compte et que vous avez décidé d'en faire profiter justement des associations qui auraient des projets. Alors, vous allez nous l'expliquer. Simplement, le gang, ça se traduit par gentils altruistes, néanmoins gourmands. Oui. Parce qu'en fait, bah oui, comme on dit, c'est de la convivialité, on aime bien manger, puis on produit ici, donc voilà, on s'amuse. Et on profite des plaisirs de la chair, comme on dit. Donc le territoire concerné, c'est Amboise et un petit peu autour. C'est ça. Oui, après, c'est vrai qu'on part d'Amboise, parce qu'on est sur Amboise au niveau du gang. Mais après, on s'est dit, on va élargir, parce qu'il peut y avoir des associations sympas qui peuvent avoir des besoins en fonds aussi, qui sont dans les alentours. Voilà. Mmh. Alors, vous proposez un appel à projet, un appel aux gangsters. C'est ça. Qu'est-ce que c'est que le concept? L'idée, en fait, c'est... Parce qu'habituellement, les gens à qui on fait des dons, c'est des personnes qui viennent nous solliciter via les différents réseaux qu'on peut avoir. On a, par exemple, financé l'accompagnement d'un jeune qui est parti faire un championnat du monde en jiu-jitsu qui appartient, enfin il est dans un club sur Bléré. Il est arrivé troisième au championnat, donc on a contribué parce que les sportifs qui n'ont pas de sponsor, ils ont besoin de financement. C'est compliqué, bien sûr. Voilà. Mmh. Donc nous, on a fait une petite contribution. Il y a eu une jeune aussi qui a fait les JO l'année dernière en paralympique. Donc, on a contribué au financement de sa lame pour son saut en hauteur. Okay. Et puis là, en fait, on avait proposé, on s'est dit, plutôt que d'attendre que les gens viennent vers nous, pourquoi pas nous aller les chercher et lancer un appel à projet, voilà, pour se laisser un peu surprendre. Oui, complètement. Alors, d'autant qu'en fait, quand on lit le déroulé de cet appel à projet, c'est « Vous avez un projet associatif qui casse les codes, vous souhaitez faire la différence et impacter positivement notre société, alors répondez à l'appel à projet de l'association Le Gang d'Amboise ». Déjà, on sent toute l'originalité dans l'approche. Oui, parce qu'on s'appelle des fois les gangsters, donc du coup, on s'est dit « Bon, on va aller en chercher, les gangsters, qu'est-ce qu'ils font? Ils cassent les codes ». Enfin, c'est pas que les codes qui cassent, mais... Donc l'idée, c'est de proposer un concept novateur. C'est un petit peu ça qui impulse l'initiative. Oui, pour rester dans le thème des gangsters, c'est quelque chose qui casse les codes, qui soit novateur. En fait, l'idée de sortir un peu des sentiers battus, de ce qui se fait habituellement, pour pouvoir apporter quelque chose de léger et puis de sympa dans la société aussi. Mmh. Le fait que ce soit des chefs d'entreprise qui constituent le gang, ça ne veut pas dire que les projets doivent être en lien avec une entreprise. On est bien sur plein de champs différents, que d'ailleurs ils se sont énumérés dans l'appel à projet. L'éducation, les sciences, le social, le sport, la famille, la culture, le patrimoine artistique local aussi notamment, donc c'est vraiment des champs larges. Oui, c'est ça, c'est vraiment d'avoir quelque chose qui soit sympa, original et qui puisse contribuer au bien-être en local au moins, déjà dans un premier temps c'est déjà bien, et puis voilà. Comment ça va être départagé à la fin, les différents projets que vous aurez reçus? Qui alors, décide hein? Ça, c'est un jury qui décide, un jury de gangsters. Hein. Mm-hmm. Donc, on n'a pas réellement de critères objectifs, on va dire. Parce que là, c'est vrai que sur des projets comme ça, c'est un peu compliqué de dire oui. « ça, c'est super innovant, ça oui, il n'y a pas un cahier des charges précis, non, disons. C'est se laisser surprendre. C'est ça, c'est ça. Donc, c'est pour ça qu'on part sur des dons plutôt qu'un concours. Mm-hmm. Et alors, c'est assez conséquent d'ailleurs, parce qu'il y a trois prix. Est-ce que vous pouvez nous dire de quoi il en retourne? Donc, le premier prix, c'est 1250 euros. Le deuxième, 1000 euros. Et le dernier, 750 euros. Voilà. Est-ce qu'il y a des conditions particulières pour participer? Donc, dans l'idéal d'être une association, ça peut être ouvert pour certains projets individuels tant que ce n'est pas une entreprise. Ok. On exclut les entreprises. On exclut aussi les grosses associations, les associations reconnues d'intérêt général. Mmh. Parce que l'idée, c'est vraiment de promouvoir et de donner un coup de main à des associations qui n'ont pas forcément les moyens. Mais oui. Voilà, parce qu'il y en a... comme on disait, pour la DOCRE, c'est Magie à l'hôpital, la maison des parents de Clocheville. Et c'est des associations en local qui sont quand même assez connues, qui ont pas mal de partenaires et de dons. Alors qu'il y a plein de petits assos qui font des trucs super bien et qui sont peut-être inconnus. Et là, l'idée, c'est de leur donner un coup de pouce aussi. Donc, voilà les principaux critères. Donc, on est encore vraiment sur une liberté de proposition qui est large. Et c'est intéressant parce que c'est vrai que les appels à projets, souvent, sont toujours très, très conditionnés. C'est toujours très, très cadré. Voilà, il faut rentrer dans des cases, quoi. Donc, effectivement, là, c'est sympa. Alors, comment ça se passe si on veut participer? Les auditeurs nous entendent. Oh là là, mais moi, j'en ai un projet associatif qui casse les codes et j'ai envie de le proposer aux gangs. Comment je fais? Déjà, on est plusieurs à avoir diffusé sur LinkedIn l'appel à projets. Il y en a aussi, on peut le retrouver sur la page du Piment de la Vie. Après, ils peuvent nous écrire directement auprès de l'association sur gang37400@gmail.com avant la fin du mois. J'allais vous poser la question jusqu'à quand, effectivement. Voilà, c'est avant la fin du mois. Et sinon, si vous connaissez quelqu'un qui est au gang, vous pouvez le contacter directement aussi. Donc voilà. Et alors, la décision, elle sera prise quand? Remise des prix, à quel moment également? Alors, la remise des prix, c'est le 26 juin lors d'un after work. Et la décision, elle sera un peu en amont. Nous, on se laisse le mois de mars-avril pour délibérer. Alors là, il n'y a plus qu'à. Hein. Vraiment, on a toutes les infos. Donc, un appel aux gangsters. Si vous avez un projet qui veut casser les codes, c'est tout simple. Il suffit de le déposer auprès du gang. On vous partagera le lien sur le podcast de cette émission sur notre page Facebook. N'hésitez pas, trois prix, 1250, 1000 ou 750 euros, c'est pas rien pour une asso qui a un projet, évidemment. Il faut saisir l'opportunité. Soyez originaux, audacieux, mais néanmoins sérieux sur le fond. C'est bien l'idée. Hein. Je voudrais peut-être juste rajouter que c'est vraiment un appel pour un projet. L'association, elle peut être très classique, on va dire. Mais s'ils ont envie, justement, peut-être de pimenter un petit peu... leur projet au sein de l'association, ça peut être l'occasion de tester quelque chose. Voilà, l'occasion de faire une folie, pourquoi pas. Et c'est ça. Merci beaucoup Elsa Larson. Vous êtes la MacGyver de la qualité de vie pour votre entreprise, le Piment de la Vie, donc coach, hein, coach de vie. Merci beaucoup d'être venue aujourd'hui pour nous parler de cette super initiative qui est donc l'appel à projet du gang. Merci. À très bientôt sur notre antenne. Je rappelle une fois de plus que vous pouvez réécouter ce podcast sur notre page Facebook Radioactive 93 et 94.7 FM. Et n'hésitez pas à nous laisser vos commentaires. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau mag.